Space Party avec le concours de USA Import à Lille et de Disco Parnasse à Paris. Salut bande de boufoukèches, c'est le commandant Cocteau, COCTO de la radio à bord du 18e Space Party. Space Party, un vaisseau qu'une seule radio a osé accepter. Space Party, c'est pendant une heure de la musique de sauvage en tempo. Space Party, c'est plus fort que la vision de l'homme invisible. Space Party, c'est plus fort qu'un concert live. 48 000 personnes de Nana Mouskouri avec dans la première session du non-stop. LA Style, Westbam, Ish 7. Tout électron, GC Deep et The Edge of Love. assise. Essuyez vos pieds avant d'entrer dans l'OVNI. Party. Dites-oui aux ovnis. Space Party. Énergie après une demi-heure du Space Party, on a chaud, on transpire, alors forcément, on consomme. Le verre est à 70 francs, quand on en prend deux, ça fait tout de suite 140. Mais avant de reprendre le cours normal de notre mission, le bruit, un peu de tendresse avec une série slow de 20 minutes avec la collaboration de toutes les discothèques qui continuent désespérément à en faire 15 dans la nuit. Pour dire stop au slow, 36-15 Space Party ou bien 36-65-109-110. Le stop l'a déjà emporté. Les slows sont finis. Vive la musique de Sauvage. Go! down, down, down, and down, elevator, and down, and down, and down, and elevator, and down, and down, and down, and down, elevator, elevator, and down, and down, down, and down, and down, down, elevator, elevator. Down, up, down, up, down, up, and down, elevator, up, down, up, down, up, down, up, and down, elevator, and down, and up, and down, up, and down, and up, and elevator, and down, and up, and down, and up, and down, up, and down, and elevator, elevator, up, and down, and up, and down, up and down, and up and elevator, up and down, and up and down, and up and down, up and down, and elevator, elevator, up and down, and Space Party, c'est la musique de sauvage. elevator and down. Elevator and down. Énergie, le 18e Space Party s'achève. 18 Space Party d'expérience ont toujours fait la différence. Bienvenue mes frères en ce premier dimanche de la Toussaint. Il y a eu dans la deuxième session Raph, THK, Félix, DLPC, Interactif, Pelgrim, Creator et Laurent Garnier. Oh. Attention, il va falloir attendre une semaine avant de faire l'amour avec une panthère. Avant de tuer un mouton dans la baignoire et de l'accrocher pour le sécher. Avant de couper du pain, de couper du bois, de couper du chatterton, de couper du pneu, de couper la pochette du nouveau Dell. Le commandant Cocteau, COCTO dans la radio vous salue. N'oubliez pas Space Party Communication by 3615 Code Énergie, boîte aux lettres Cocteau. D'ici la semaine prochaine, cool as fuck. Mais dans un instant, la musique continue. La musique est non-stop avec Eric le sapeur-pompier de l'espace. Avec moi. On retrouvera le commandant Cocteau, CEO, CTO, prochainement à la radio, ainsi que tous les autres affreux jeux d'extravadence. Énergie, il est 2h du matin.